Uá, uá, uá, uá, uá, uá, uá. Nee, maar hij zegt al fichu. Uá, mina kat, klaar. J'suis déçu des fausses banalises là. Pourtant tu m'as l'air que ta banane qui se mêle. Et qui positif sous cannabis là. Dans l'auto ça sent le pilon coffré depuis 10 semaines. C'est qui le meilleur fils d'analyse bien. J'ai deux chevilles, faut que j'me canalise man. J'ai plus les litres au quartier mais j'préfère canner Lisbonne. Et quand j'médite, j'fais la médite sur les méditas. Hey, c'est mes types, ils font bien marrer comme fumer du thème. On proche comme des chiens, gros, c'est ça nos vies. Eux, ils nous prennent pour des ânes aussi. Les mecs chelous, on les a notés. Ils portent l'œil des addicts aux anodies. RS, c'est anodin. Mais pas toi, pas bien à nous deux. Si t'as de guise, tout touche pas à nos vins. Sous la carapace, la police, elle nous veut. Ancien survêt de bouteille toute neuve. Je me connais pour de rien de nouveau. Berlin, qu'on patrouille des 9h. Tu m'en prie pour ton jeu disparaît. J'en ai le cas, tu veux qu'on disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les poulets sur le disparaît. Tu m'en prie pour ton jeu disparaît. J'en ai le cas, tu veux que je disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les poulets sur le disparaît. J'ai galéré, galéré. J'ai galéré, galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré, galéré. Moi, j'ai galéré, galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. C'est avec l'équipe, tout est carré, ma chérie, fais la seule. Faut pas faire de bruit, Narvalo, c'est la folie. On entend que ça parle, ils sont pas contents ceux-là. Des histoires, je suis saoulé, j'arrive au quartier, la haine dans les yeux se lit. Amoureux du ghetto, mes potos sont célibres. J'ai trimé en effet, je trimé en été. On s'allume en effet, et le four personne l'éteint. C'est trop, c'est HAUT, c'est la guerre avec le bif, un gros chahuteur. Dans l'allée, t'entends mes gars hurler. Clique sur le morceau, regarde le chahuté. Faut chier rien qui change, mine arrête condamné. Je me dis que c'est la vie, et je roule un pot d'amené. Revois dans le night, finir en pot d'amier. Faut rien qui change, mine arrête condamné. Je me dis que c'est la vie, et je roule un pot d'amené. Revois dans le night, finir en pot d'amier. Tu m'en prie pour ton jeu disparaît. J'en ai le cas, tu veux qu'on disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les poulets sur le disparaît. Tu m'en prie pour ton jeu disparaît. J'en ai le cas, tu veux disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les poulets sur le disparaît. J'ai galéré, galéré. J'ai galéré, galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré, galéré. Moi, j'ai galéré, galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. Y'a pas de mytho, y'a que de la galère. T'es à repêcher ma petite couille. Maman Adminar, ça bouge pas les reilles. Par rapport 5 il arrive, restez branchés.